phone, you see I went and stronger. But when I'm down and we go with the agents. Romans, BD, documentaires, livres pour enfants ou guides de voyage, qui ou quoi, c'est l'émission qui parle de livres sur Radio Dio. Bonsoir tout le monde, bonsoir, c'est Axel pour qui ou quoi, Axel et Tiffaine, bonsoir Tiffaine. Salut. Et d'autres surprises qui viendront plus tard pour une émission un peu spéciale de qui ou quoi, parce que ce sera, à moins qu'il y ait vraiment un plébiscite populaire fou, sûrement la dernière émission de qui ou quoi sur Radio Dio. Donc, une émission en deux temps, un premier temps plutôt classique avec l'émission de l'année de Tiffaine, où Tiffaine va nous parler de Dany Arnaud, je crois. C'est ça, tout à fait. Voilà. Et puis, après une petite pause, nous avons quelques invités qui sont venus voir comment était Radio Dio, participer un petit peu à l'émission, et on va essayer de finir ça en beauté, je ne sais pas, mais en tout cas, on finit ce soir, quoi. Donc voilà. C'est la dernière de qui ou quoi. Encore un petit peu de générique parce qu'il est bien. Et puis après, je te laisse le micro, Tiffaine. Ok. Alors ce soir, je vais vous parler d'Annie Ernaux, effectivement, et d'un livre qu'elle a publié en 2008 qui s'appelle « Les années ». Alors pour présenter d'abord l'autrice, Annie Ernaux est née en 1940. Elle a été prix Nobel de littérature en 2022, donc à l'âge de 82 ans, et c'est une figure majeure de la littérature contemporaine. Alors elle a une trajectoire de transfuge de classe, c'est-à-dire qu'elle est issue d'un milieu ouvrier, et qu'elle a derrière une carrière de prof, d'abord certifié, puis de prof agrégé de lettres, en plus d'une carrière d'écrivaine. Son œuvre est essentiellement autobiographique, elle est marquée aussi par l'analyse sociologique, par l'analyse féministe, et par son engagement politique. Cet engagement politique, il a été constant dans sa vie. C'est parti du manifeste des 343 sur l'IVG en 71, auquel Annie Ernaux a participé, jusqu'au soutien au mouvement des Gilets jaunes en 2018-2019. Elle a toujours critiqué toute sa vie toutes les dominations dans la société. Alors, parmi ses textes les plus connus, en dehors de celui-ci, on peut citer La Place en 1983, qui explique comment le changement de milieu social l'a éloigné de son père. L'événement publié en l'an 2000, qui est le récit de son avortement clandestin dans les années 60, qui a été adapté au cinéma en 2021. Ou encore Mémoire de fille en 2016, qui évoque ses premières expériences sexuelles d'adolescente dans un monde encore très normé. Alors les années, ce livre a été publié en 2008, et c'est un projet unique. Annie Ernaux y retrace 60 ans d'histoire française à travers sa propre existence, donc ce n'est pas une autobiographie classique. D'ailleurs, le style est volontairement impersonnel, elle dit rarement « je », elle dit plutôt « elle » en parlant d'elle, donc elle parle d'elle à la troisième personne, elle va beaucoup dire « on » ou « nous » aussi. Ce livre n'a pas de chapitre, en plus il n'a pas de césure historique, alors qu'il parle d'histoire, hein, mais elle ne fait pas de périodisation, parce qu'elle n'est pas historienne. Le livre s'ouvre et se ferme aussi, aspect très littéraire, sur des fragments de souvenirs, un peu à la manière de Georges Perec dans Je me souviens. Parce que en fait, ce que Annie Ernaux veut capter dans son livre, c'est pas sa vie, c'est pas une vie, en fait, c'est l'expérience collective du temps. Et à la fin du livre, en fait, elle explique sa méthode. Elle y revient plusieurs fois au cours du livre. Elle explique qu'en fait, elle va partir de photos d'elle prises à tous les âges de la vie, de la petite enfance jusqu'à la vieillesse. Chaque photo déclenche un flot de mémoires, de souvenirs, que ce soit des gestes, des discours entendus, des émotions ressenties. Et ces détails personnels vont glisser peu à peu vers un récit collectif, un geste qui est à la fois critique et politique. Les événements historiques ne sont jamais racontés pour eux-mêmes. c'est plutôt la façon dont ils sont perçus par le plus grand nombre qui est évoquée, à travers les discours des gens, les émotions qu'ils ressentent, les objets, mais aussi ce qu'on ne dit pas, les silences, les tabous de la société. Et on voit défiler du coup tous les changements, les mutations profondes de la société française, des changements qui concernent la famille, la consommation, la politique, le genre, tout ça sur une soixantaine d'années. Ça part de l'euphorie de la libération et ça va jusqu'à la désillusion des années 2000. Alors ce projet, elle l'a mûri pendant plus de 20 ans, elle le dit dans le livre. Dès les années 80, elle a imaginé ce livre qui rendrait sensible le passage du temps à l'intérieur d'une vie. Elle en reparle lorsqu'elle évoque les années 90, où elle parle d'un sentiment de culpabilité qu'elle ressent de ne pas arriver à écrire ce livre. Et ce livre sera finalement peut-être le grand livre de sa vie. Elle l'a fini par elle l'a commencé après sa retraite, lorsqu'elle a réussi à jeter tous ses cours de français à la poubelle. Donc pour se consacrer entièrement à son métier d'écrivaine. Elle dit qu'elle puise dans plusieurs modèles littéraires. Elle parle d'autant en emporte le vent, où on voit une époque s'incarner à travers l'histoire d'une femme. Et elle parle aussi de Marcel Proust, à la recherche du temps perdu, qui articule en permanence le souvenir personnel et l'histoire avec un grand H. Alors ce roman apporte beaucoup et il nous montre comment la littérature, qui est peut-être bien plus efficace que les manuels d'histoire pour restituer la profondeur, la texture d'une période historique, et comment cette sensibilité littéraire se révèle très efficace, très précieuse pour nous raconter ces années. Autrefois, pour faire sa cour, on parlait d'amour. Pour mieux prouver son ardeur, on offrait son cœur. Maintenant, c'est plus pareil, ça change, ça change. Pour séduire le cher ange, on lui glisse à l'oreille. Ah, Gudule, viens m'embrasser et je te donnerai un frigidaire, un joli scooter, un atomixer et du dalopio, une cuisinière avec un four en verre, des tas de couverts et des pelles à gâteau, une tourniquette pour faire la vinaigrette, un bel aérateur pour bouffer les odeurs. Des draps qui chauffent, un pistolet à gaufre, un avion pour deux, et nous serons heureux. Autrefois s'il arrivait que l'on se querelle, l'air lugubre on s'en allait en laissant la vaisselle. Maintenant que voulez-vous, la vie est si chère, on dit rentre chez ta mère et on se garde tout. Ah, Gudule, excuse-toi, ou je reprends tout ça. Mon frigidaire, mon armoire à cuillère, mon évier en fer et mon poêle à mazout, mon cire godasse, mon repas solimace, mon tabouret à glace et mon chasse-filou, la tourniquette à faire la vinaigrette, le ratatine ordure et le coupe-friture. Et si la belle se montre encore rebelle, on l'affiche dehors pour confier son sort au frigidaire, à l'efface poussière, à la cuisinière, au lit qui est toujours fait, aux chauves-savates, aux canons à patates, à l'éventre tomate, à l'écorche poulet. Mais très très vite, on reçoit la visite d'une tendre petite qui vous offre son cœur. Alors on cède, car il faut qu'on s'entraide. Et l'on vit comme ça, jusqu'à la prochaine fois. Et l'on vit comme ça, jusqu'à la prochaine fois. Et l'on vit comme ça, jusqu'à la prochaine fois. Nous sommes de retour sur Radio Dio et je vous parle ce soir du livre d'Annie Ernaux qui s'appelle « Les années ». Alors dans ce livre, comme je le disais tout à l'heure, Annie Ernaux ne raconte pas sa vie, mais elle veut restituer celle de toute une génération. Alors on part de la libération, lorsqu'elle est petite, toute petite même. L'euphorie est alors très intense, mais finalement très brève. Elle va durer que quelques années. Les gens ont alors des désirs simples, manger à leur faim, mourir tranquille, être dehors ensemble. Ils vont aux fêtes foraines, aux processions, aux feux d'artifice, à tout ce qui attire du monde, hein, et profitent de toutes les joies qui sont restées longtemps interdites pendant la guerre. Alors au début, on a beaucoup de conversations qui ressassent cette guerre, mais bientôt elle devient un passé révolu et elle n'est plus évoquée que par les plus âgés. On voit aussi dans ce récit que le monde des années 50 reste vraiment le monde ancien et conservateur, celui d'avant 68. Il est totalement réglé par la religion, surtout catholique, par le travail et aussi pour les hommes par le service militaire. La vie est lente, elle est au rythme du vélo, les gens sont très peu mobiles. L'exotisme, ça commence déjà à la grande ville la plus proche. Et il y a très peu de gens qui vont à Paris, alors que là, on parle de la Normandie. Hein. Annie Ernaux, elle grandit en Normandie. On n'est quand même pas très, très loin. Mais malgré tout, en fait, il y a très peu de gens qui ont vu la Tour Eiffel, par exemple. La mort aussi est omniprésente. Dans toutes les familles, on a des enfants qui sont morts de maladies, comme les oreillons, par exemple. La mort des gens reste banale et elle laisse plutôt indifférent. La langue qui est parlée est une sorte de mélange de français écorché et de patois. La toilette reste très sommaire au quotidien, on se débarbouille le visage. Les filles et les garçons sont partout séparés. Les filles sont très surveillées, la sexualité est encore honteuse. L'école n'est pas mixte, hein. Elle impose la discipline et le silence. Il n'y a que les travailleurs installés et les plus âgés qui ont le droit à la parole. Et pourtant, le monde change. On est au début des 30 Glorieuses. La période est marquée par l'optimisme, l'avenir semble radieux, on s'émerveille de tous les progrès comme la sécu, la santé, le tout à l'égout, et on fait son entrée dans la société de consommation. On voit l'arrivée de la télé, on voit l'arrivée des pubs, qu'on appelle à l'époque les réclames, on voit l'arrivée des supermarchés, et cette transformation elle est vécue comme un progrès immense pour tous ceux qui ont connu les pénuries terribles des années 30, puis de la guerre. Alors la distinction sociale passe désormais par les objets. Par exemple, quand on est de classe moyenne, ben, il faut avoir une chaîne Hi-Fi. Alors, il y a un propos qui est central dans le livre, c'est que Annie Ernaux, elle montre que le progrès matériel n'est pas synonyme de libération. Ce qu'on appelait réussite à l'époque, la maison, les enfants, la télé, le crédit, tout ça, en fait, ça s'accompagne d'un enfermement dans des normes sociales et de genre. Et ça, c'est valable aussi dans l'analyse qu'elle fait de sa propre expérience de jeune femme. Dans un premier temps, elle fait des études, hein, qui lui ont permis d'échapper au destin féminin traditionnel. Elle n'a plus de désir de maternité, elle n'a plus du tout envie de se perdre pour un homme, comme quand elle était adolescente. Et pourtant, elle se retrouve mère de famille dès 64, et puis à nouveau en 68. Et rétrospectivement, cette période est un rétrécissement pour elle de l'espace et du temps. Elle lui donne envie de retourner dans le passé. C'est aussi une forme d'embourgeoisement, avec une intégration sociale standardisée autour de l'emploi stable, du crédit, de la télévision. Annie Ernaux écrit « Avec une rapidité qui nous stupéfait, on formait tous de minuscules cellules étanches et sédentaires, se recevant entre couples et jeunes parents, considérant les célibataires comme une espèce immature qui ignorait les traites, les petits pots Blédina et le docteur Spock, dont la liberté d'aller et venir offensait vaguement. » Fin de citation. Yeah. Et nous sommes de retour sur Radio Dio où je vous parle ce soir des années d'Annie Ernaux. Alors Annie Ernaux, elle nous parle parfaitement de la rupture qu'a été mai 68 dans son œuvre. Alors elle dit que c'est une révolte sans revendication, c'est pas un mouvement classique, mais c'est une explosion qui réagit à la société du silence, de l'assignation et de la soumission qui existait alors. Les interdits tout d'un coup s'effondrent. On se met à parler, à manger, à dormir et même à s'aimer dans des lieux qui étaient sacrés, des lieux qui n'ont jamais été conçus pour ça, comme les usines, les facs ou encore les théâtres. Elle parle de la libération des corps, elle parle du fait que tout le monde se met à se parler, ce qui semble aussi abolir les hiérarchies. Mais va ainsi ouvrir les possibles, on est exalté de se penser collectivement, on exalte aussi la clandestinité, ou une certaine clandestinité, par exemple liée à l'IVG. On a l'innocence retrouvée des désirs sexuels. Et surtout, les femmes cessent de penser une infériorité qui était ressentie auparavant comme naturelle. Malheureusement, les forces conservatrices vont rapidement reconquérir l'espace. Dans un premier temps, dans l'immédiateté, en fait, on a la dissolution de l'Assemblée nationale. On a les élections législatives qui sont remportées très haut la main par la droite. Pour Ernaux, les élections, je cite, « ce n'était pas choisir, c'était reconduire les notables en place ». La CGT et le Parti communiste, qui sont censés défendre l'émancipation, vont participer de cette contre-révolution en commandant la reprise du travail, ce qu'on voit bien dans le court-métrage célèbre « La reprise du travail aux usines Wonder ». Et puis, de manière plus profonde, la société de consommation et du confort va anéantir l'horizon révolutionnaire. Annie Ernaux explique qu'à partir de 73-74, on espère plus de nouveaux printemps, de nouveaux mai. On échoue à faire converger les combats. Dans ce début des années 70, on a un éclatement des luttes. On a d'un côté la lutte des lycéens, de l'autre la lutte des féministes, de l'autre celle des homos, celle des écolos, etc. On a aussi un changement d'ambiance culturelle qui arrive sous Giscard, où la modernité devient un peu le prisme pour analyser tout, et elle remplace l'analyse politique. En parallèle, se fait à lui une médiatisation de nouveaux philosophes de droite, incarnés notamment par BHL. On a désormais honte de se référer au marxisme, hein, puisqu'on considère qu'il mène automatiquement au goulag. Et les manifs des années 80 changent aussi, hein, il n'y a plus de pavés. C'est fini, elles deviennent des défilés polis, où on se contente de chanter des chansons. Les idéaux de mai sont ainsi recyclés en slogans publicitaires. Par exemple, pour la Renault 5, eh bien, on dit aux consommateurs « prenez le pouvoir » en 1972. Le désir d'acheter aussi remplace l'engagement politique. Désormais, on est ce qu'on possède. On rêve d'accéder à la propriété. Et une fois qu'on l'a acquise, on se met à jalouser les jeunes et les routards, ce qui rejoint un peu le décalage entre le progrès matériel et l'émancipation dont je parlais tout à l'heure. La télévision en couleur se généralise. Elle prétend ouvrir sur le monde, mais en fait, elle entraîne une perte terrible de la lecture et de l'imagination. Il y a un philosophe allemand qui l'a évoqué dès les années 50, qui l'a démontré. Il a démontré que la télé, c'est un outil puissant de passivité, puisqu'elle nous montre tout sans qu'on puisse agir sur rien. Dans ces années qui suivent 68, Ernaux éprouve elle-même les contradictions de cette fausse libération. Elle est à la fois femme active et mère, elle n'a donc plus aucun temps libre. Elle est installée en banlieue, avec sa famille, alors que la périurbanisation s'accélère partout en France. Elle décrit l'enlaidissement de ces espaces qui sont pensés pour la voiture, pour les zones commerciales. C'est aussi une prof malheureuse. Elle a un sentiment d'étouffement professionnel. En salle des profs, se projeter dans l'avenir, ça se réduit à entourer les vacances sur le calendrier. Ernaux finit par rejeter le couple et la famille, qui sont perçus comme des prisons intellectuelles. En 85, elle est divorcée, mère célibataire, et elle a un amant. Et elle est dans une situation de dépossession matérielle, mais en parallèle, elle retrouve une liberté qu'elle peut assumer au grand jour. Et elle redécouvre ses désirs d'adolescente et une sexualité qui se fait hors du cadre conjugal. Le mari de Marie-Vonne était mon amant. Quelquefois je m'en étonne encore maintenant. Au début tout feu tout braise, il était gentil. Quand

Alors même que la domination masculine ne diminue pas, mais qu'elle prend juste une nouvelle forme, les femmes sont toujours surveillées, scrutées, mais elles sont désormais sommées d'être sexuellement libérées et désirables, alors même que rien ne bouge du côté, par exemple, de la répartition des tâches ou de la charge mentale. Alors une petite critique, toute petite critique. Le livre ne parle que du monde à travers une trajectoire, celle d'une femme d'origine populaire devenue prof et écrivaine. Alors c'est à la fois une force, mais aussi une limite de son regard sur l'histoire, puisque son récit peut parfois donner l'impression d'un consensus qui, en fait, n'existait pas. Alors, je citerai deux exemples. Le premier exemple, c'est l'euphorie collective qu'elle décrit autour de 81, qui ne reflète sans doute pas tout le monde. Il y a de nombreuses personnes à gauche qui sont restées sans doute sceptiques et désabusées, en retrait par rapport à cette élection. Deuxième exemple, du côté des références musicales. Ernaud, elle évoque surtout la variété française dans son œuvre. Elle est clairement restée à distance des contre-cultures plus radicales ou contestataires, alors même qu'elle est de gauche radicale. Par exemple, le punk est très peu évoqué dans son livre, alors qu'il a été incontournable pour une partie de la jeunesse des années 80. Et c'est là que son récit, malgré sa radicalité sociale, reste parfois plus tourné vers le centre que vers les marges. Une concierge lui met tout le beau quartier. Le président fêlé entame l'Elysée. Trois secrétaires en chaleur cassent leur directeur. Une tribu de bonnes sœurs incendie le Sacré-Cœur. Chimpanzés dynamite de leur zoo. Des rastas éclatés séchés dans le ghetto. Les feux dans la cité volent pour Géronimo. Des soldats cannibales brandissent leur général. 300 patrons qui crachent pour sauter la baraque. Et un vieux bon chinois se pétrole le minois. Le front il a pillé, qui n'a plus d'allumé. Des jeunes chômeurs s'adonnent au cocktail Molotov. Des Iraniens enflamment le corps de l'oncle Sam. Des sauteurs sympas me portent un grand feu de choses. Un gang de pyromanes se croit au paradis. Les pompiers en ont marre, c'est la grève aujourd'hui. Il y a le feu partout, c'est la fête de les fous. Il y a le feu partout, vive le feu, vive les fous. Il y a le feu partout, c'est la fête des fous. Il y a le feu partout, vive le feu, vive les fous. En vive, en vive, en vive le feu. En vive, en vive, en vive le feu. En vive, en vive, en vive le feu. En vive, en vive, en vive le feu. Et nous sommes de retour sur Radio Dio. Alors, dans le livre de d'Annie Ernaux, il est très bien montré que les années 90 et 2000 sont des années de désabusement. Ce qui était déjà amorcé dans les années 70 et de plus en plus sensible dans les années 80 va s'accentuer. L'ordre marchand semble s'étendre à l'infini. Tous les moments sont commercialisés. Par exemple, les vitrines de Noël apparaissent dès la Toussaint. Les soldes sont médiatisés entièrement. Il n'y a aucune partie du corps humain, aucun langage qui n'est épargné par la marchandise. Même les langages militants sont récupérés. Par exemple, le clerc prétend lutter contre la vie chère. Les zones commerciales sont agrandies et embellies, alors que les services publics tombent à l'abandon. La pub et le marketing envahissent tout, et cette euphorie publicitaire masque les fractures sociales. Annie Ernaux écrit « C'était une dictature douce et heureuse, contre laquelle on ne s'insurgeait pas. Il fallait seulement se protéger de ses excès. » Pour tout le monde, y compris les immigrés clandestins, la liberté avait pour visage un centre commercial, des hypermarchés croulant sous l'abondance. Il était normal que les produits arrivent du monde entier, circulent librement et que les hommes soient refoulés aux frontières. Elle se réfère ici aux analyses de Guy Debord, la société du spectacle, René Dumont aussi, qui a été candidat écologiste, qui a dénoncé une croissance illimitée dès les années 60. Elle ne cite pas Pasolini, mais elle aurait pu parce qu'à la même époque, il a montré que la société de consommation exerçait une emprise, en Italie en tout cas, plus insidieuse que le fascisme historique, parce qu'elle prétendait transformer carrément les âmes des gens, les consciences, alors que le fascisme mussolinien lui exigeait une simple obéissance. La fin de la période est aussi marquée par la fin de l'avenir, dans le sens où Arnaud, elle ressent une perte du sentiment d'avenir. Elle est grand-mère en 2006. Elle sent qu'il n'y a plus d'horizon et seulement une urgence, une peur de perdre la mémoire. Et l'écriture de ce livre va alors être un acte de sauvegarde pour elle. Le langage est dépolitisé et il perd même toute connexion au réel. Le discours est nettoyé par des notions creuses qui s'imposent dans le langage, la compétitivité, l'employabilité, la précarité, la flexibilité. On pourrait aussi ajouter la bienveillance, mot qu'on trouve souvent, notamment dans l'éducation nationale, qui perd son sens, qui est vidé de son sens. Et la société devient aussi atomisée, en individus séparés. Il y a la dimension collective. En parallèle, il y a une culture de l'exposition intime. On peut raconter sa vie privée à grande échelle, et ça devient une mode, que ce soit à la radio ou chez Delarue. L'époque aussi est marquée par l'indifférence et le repli, indifférence par exemple pour l'élection présidentielle, par l'accablement par rapport au creusement des inégalités face à la domination américaine. La grande grève de 1995 apparaît comme le dernier grand moment de mobilisation et il n'y a plus d'exaltation collective, elle a complètement disparu. On est entré dans une ère de peur, de surveillance, symbolisée par le choc du 11 septembre et la guerre des civilisations de George W. Bush. On promeut partout le sentiment d'insécurité dans les médias, notamment dans les discours politiques. Donc on cible les banlieues, les Roumains, les pickpockets, les terroristes. Et les discours réactionnaires et autoritaires s'imposent, à l'image de Sarkozy qui parle de nettoyer la racaille au Karcher. On a une nouvelle montée du racisme, une stigmatisation des jeunes de banlieue et un retour aux vieilles valeurs, l'ordre, le travail, l'identité nationale. Et le symbole, bien sûr, c'est la présence de Le Pen au deuxième tour de la présidentielle, le 21 avril 2002. On a aussi le retour d'une envie de servitude, d'obéissance à un chef. La mémoire devient saturée aussi. On se met à tout enregistrer, à faire des photos, des vidéos de tout. Et du coup, on en perd la mémoire. Les vrais souvenirs sont remplacés par des bribes, des images médiatiques. Alors en conclusion, 17 ans après sa parution, les années résonnent plus que jamais avec le monde d'aujourd'hui, puisque le présent semble désespérant entre l'accumulation illimitée du capital, la destruction écologique, l'exploitation numérique, le retour de la guerre, la surveillance de masse, la fuite en avant du trumpisme qui amène un sentiment de sidération généralisée. Et il est difficile aujourd'hui de croire encore à la résistance collective. Et pourtant, il y a des raisons d'espérer qui subsistent. Le mouvement des Gilets jaunes et de nombreux mouvements populaires survenus dans plein de pays du monde montrer que la révolte populaire est toujours possible. Le matérialisme et le vocabulaire marxiste reviennent en force comme des outils d'analyse pertinents. On parle à nouveau de lutte des classes, on parle à nouveau des rapports de domination au travail, des structures du pouvoir aussi.

le mois de mai vous a guère touché, même s'il n'y a pas eu de manif dans votre rue, même si votre voiture n'a pas été incendiée, même si vous vous en foutez, chacun de vous est concerné. Même si vous avez faim de croire qu'il ne se passait rien, quand dans le pays entier les usines s'arrêtaient, même si vous n'avez rien fait pour aider ceux qui luttaient, même si vous vous en foutez, chacun de vous est concerné. Même si vous avez fermé votre porte à notre nez une nuit que nous avions les CRS au talon, si vous nous avez laissé matraquer sur le palier, même si vous vous en foutez, chacun de vous est concerné. Même si dans votre vie tout est resté bien tranquille, sans pavé, sans barricade, sans blessés, sans grenade, même si vous avez gobé ce que disait la télé, même si vous vous en foutez, chacun de vous est concerné. Même si vous croyez maintenant que tout est bien comme avant, parce que vous avez voté l'ordre et la sécurité, même si vous ne voulez pas que bientôt on remette ça, même si vous vous en foutez, chacun de vous est concerné. Et voilà, merci Tiphaine. Ben, merci à toi et merci beaucoup de m'avoir accueilli pendant toutes ces années. Ça m'a fait trop plaisir. Bah oui, là on va faire une espèce de plan un peu nostalgico, nouveau. Enfin bon, d'abord je vais lancer la musique de fond. Voilà, je tenais à le faire une dernière fois. Donc pour cette dernière émission, alors il se trouve c'est vraiment plus le karma qu'autre chose. Parce qu'on a le plaisir d'accueillir deux des intervenants les plus... Deux des revenants. Ouais, enfin, Vincent a participé à quelques émissions. Bonsoir Vincent. Oui, bonsoir Axel. Et nous avons la chance de le recevoir ce soir, parce que ça fait un petit moment qu'on ne t'avait pas vu par ici. Je te remercie Axel. Il y a Tiphaine qui donc venait au moins une fois par an pour son émission, et donc ça va finir sur une émission de Tiphaine, ça c'est la classe. Oh bah merci. On a aussi Benjamin en ligne. Hello. Voilà, Benjamin qui a été la voix... mon comparse sur quelques émissions sur les deux dernières saisons. Et puis on a deux nouveaux qui sont là, venus en vacances, en fossoyeur pour creuser des trous. Bonsoir à tous. En fait, au final, cette dernière émission, c'est un peu ce que j'aurais toujours voulu pour qui ou quoi, c'est-à-dire de pas forcément être tout seul. Être avec des personnes et pouvoir discuter dans l'absolu, qui ou quoi, ça aurait été bien si on avait pu lire tous le même livre et échanger autour de ça en mode, comment ça s'appelle, Le Masque et la Plume, mais de Saint-Étienne. Quoi. Voilà. J'ai eu peur, j'ai cru que tu allais dire que tu avais toujours rêvé de faire une émission qui serait préparée. Et à l'heure aussi, parce que je crois qu'on n'a jamais été à l'heure sur toutes ces années. Donc voilà, je suis bien content que vous soyez là. Alors j'ai pensé à un petit truc comme ça qui en a embêté plus d'un. Hein. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas profiter de cette dernière émission, bah déjà pour vous mettre tous au micro. Ah oui, j'ai pas dit quand même, donc j'ai dit qu'il y avait Vincent et Tiphaine, il y a Benjamin au téléphone, mais les deux fossoyeurs effectivement. Donc on a Greg, bonsoir Greg. Oui, bonsoir, mais je ne sais pas ce que ça veut dire un fossoyeur du coup, Axel. Voilà, j'ai dit bonsoir à tous et toutes. Effectivement, c'est vrai, voilà. À tous, comme on dit. Je suis très émotionné. et donc, il y a aussi Martin. Bonsoir à toutes. And the Metals aussi. Also the Metals. Oui. Yeah. Van Reggae. donc, Fossoyeur, c'est quelqu'un qui va creuser la tombe, c'est ça? C'est ça. D'accord. Bah, creusons les livres. Commençons par la nôtre ce soir. Voilà. Et donc l'idée, eh ben, je me suis dit, tiens, ben, je vais demander à tous ceux qui sont là, comme on va ouvrir quand même un peu sur le futur et donner, finir de continuer à donner envie aux gens de pourquoi pas lire des livres et des bons. Parce que donc, vous n'avez pas forcément écouté toutes les émissions, mais il y a quand même eu des années où je n'ai dit que du mal des livres que je lisais. C'est-à-dire que je ne lisais pas assez et en fait, bah, tous les livres que je lisais, ils étaient juste pas bien, quoi. Donc je passais mon temps à dézinguer les livres en disant qu'ils bah, n'étaient pas très intéressants, qu'ils étaient pas mal écrits, mal traduits ou des choses comme ça, quoi. Pendant ce temps-là, nous, on n'a pas arrêté de délivrer les zingues qui étaient encombrées par toutes ces bières auparavant et elles étaient très bonnes. Alors moi, je revendique le fait de ne pas forcément lire les livres, mais de pouvoir les utiliser d'une autre manière, parfois en cale-porte ou même juste en objet, parce que moi, l'objet livre me plaît. D'accord. C'est, voilà, et dans des lieux, des fois, complètement improbables. Voilà, je vous laisse imaginer après où on peut les mettre ou pas. C'est souvent et puis les échanger. On est là c'est aussi pour échanger les livres. Bref, n'empêche que je vais quand même vous faire passer un par un sur, même si vous n'en avez pas beaucoup lu ou utilisé pour, comme cale-porte, donner quelques pistes pour le futur à des gens qui nous écoutent, on ne sait jamais. Il y en a peut-être quand même. Lisez. Donc, je ne sais pas par qui on commence. Qui a envie de se jeter dans le bain ? Benjamin, peut-être, vu que tu n'es pas là. Tiens, ah bah écoute, j'allais me proposer. Non, alors tu m'as demandé des trucs débiles, du genre, ouais, un top de tes livres préférés. Non, j'ai dit si tu n'avais pas de livres préférés, parce que tu m'as bien sûr dit, mais je ne sais pas faire, je ne sais pas quoi répondre, etc. Et je t'ai dit, pourquoi pas, sors des livres juste. L'idée, c'est d'ouvrir, quoi, donner peut-être, on va peut-être faire juste du name dropping. Voilà, quoi. Moi, mon livre préféré, c'est le dictionnaire, parce que mal nommer un objet, c'est ajouter au malheur de ce monde. Voilà, ça c'était pour la blague. Ceci dit, j'aime beaucoup les dictionnaires. j'ai réfléchi à ton histoire de top, et il y en a un qui n'est pas trop compliqué, parce qu'assez objectif, c'est le top des livres que j'ai le plus lus. Ah, parce que tu es du genre à relire les livres. Alors, je suis du genre à croire que je vais les relire. Mais malgré tout, il y en a quand même quelques-uns que j'ai lus et relus. Au premier rang desquels, on va citer la ferme des animaux de George Orwell. Ok. Voilà, que j'ai lu déjà pas mal de fois, qui fait aussi partie de mon top des livres que j'ai le plus offert. Pas à tout le monde. Mais pas à tout le monde. Il y a ensuite Spinoza encule les gueules de Jean-Bernard Pouy. Juste pour le titre ? Parce que je l'ai lu plusieurs fois, vraiment. Ok. Voilà, c'était ma rencontre avec ma rencontre symbolique avec Jean-Bernard Pouy, et par la suite j'ai eu la chance de le rencontrer en vrai, c'était rigolo. Faut que je finisse. T'allais dire quoi, Axel ? Non, par la suite j'ai rencontré. Ok, on fait du name dropping, très bien. Voilà, je vais m'étendre un petit peu plus dessus, parce que du coup, le pouvoir de la littérature, l'impact de la littérature, des livres sur nos vies, etc. Je vais faire une petite séquence nostalgie en même temps. Alors ça tombe bien que vous soyez si nombreux en studio, parce qu'il y en a pas mal qui me connaissaient, qui avaient déjà la chance de me connaître à l'époque. Mais je suis de ces gens qui devaient faire partie des appelés pour aller faire leur service militaire alors qu'ils n'en avaient pas forcément envie. Ah oui, je me souviens bien ça, Benjamin. Ça, c'est, c'était un grand moment. Je me souviens d'avoir été témoin le jour où des militaires sont venus te convoquer. Alors attends, pas tout, voyons. C'est très intéressant. Donc moi, je faisais partie de ces gens qui n'étaient pas super militaristes, on va dire, et que j'avais pas super envie de faire mon service militaire, et du coup j'avais oublié de me faire recenser, on va dire ça comme ça. Et donc un jour la gendarmerie nationale est allée à la rencontre, je parle beaucoup de rencontres décidément, de mon père sur son lieu de travail, parce qu'il voulait retrouver son insoumis de fils. Alors il n'y avait pas de lien avec Mélenchon à l'époque, voilà, mais j'étais insoumis, donc il a fallu que j'accepte de suivre les gendarmes. En l'occurrence, j'ai négocié un petit peu. Bref, quand on était insoumis à l'époque, si on acceptait de se soumettre au régime militaire, on devait partir directement après les trois jours faire son service. Donc certains d'entre vous étaient avec moi la veille au soir. Moi à l'époque j'avais les cheveux longs, machin, enfin voilà, tout allait bien, tout était bien dans la caricature, on va dire. Et quand je suis parti faire mes trois jours, et ben je suis parti avec mon barda pour plusieurs mois de service militaire. Donc j'avais pris des bouquins et j'avais pris le voyage au bout de la nuit, enfin des trucs. Et j'avais pris aussi le discours de la servitude volontaire de la Boétie, parce que finalement ça s'y prêtait plutôt bien de se rendre à ces trois jours alors que j'en avais aucune envie. Et en fait, j'ai décidé d'être assez franc, parce qu'on vous demande de remplir des papiers pour dire si vous avez déjà eu des traumatismes crâniens, des choses comme ça. Et puis après, vous passiez devant un ophtalmo. Le mec était appelé comme tout le monde, mais en tout cas, on faisait un examen ophtalmologique. Puis après, on passait devant un psychologue. Et le psychologue m'a retoqué en disant « Vous allez voir mon collègue expert psychiatre ». Et quand je suis arrivé devant l'expert psychiatre, on a commencé à parler. Moi, je commençais à avoir vraiment chaud, parce que je comptais vraiment sur le fait d'être exempté, parce que je suis myope comme une taupe, comme on dit. Et non, en fait. J'avais beau leur expliquer que si on me mettait sur un champ d'entraînement ou un champ de bataille avec une arme, j'étais capable, sans lunettes, de désinguer les gars de mon camp. Ça les a pas convaincus. Et donc, voilà, j'ai entamé une discussion avec l'expert psychiatre. Et il y a un moment, il a vu ce petit bouquin. C'était les éditions... comment ça s'appelait Mille et une nuits. Oui, les trucs pas chers. Ouais, c'était des petits bouquins, c'était des petits fascicules à l'époque. Ouais, même peut-être même pas, tu vois. Enfin, voilà. Et donc j'avais ce bouquin-là parce que c'est avec lui que je patientais entre deux examens. Et quand il a vu le bouquin, il m'a posé des questions parce que j'avais un niveau scolaire, d'après lui, assez faible. Et du coup, c'était surprenant que je lise La Boétie. Et du coup, on a parlé un petit peu, et puis voilà, et puis rien de plus. Et quand je suis passé devant le médecin, j'ai joué carte sur table, enfin, j'ai fait tout ce que je pouvais, genre non, mais vous voyez, quand je fais ça, j'ai mal, quand j'étais petit, je faisais de l'asthme et tout. Et le gars, au bout d'un moment, m'a dit, mais vous, mon collègue expert psychiatre vous a rien dit. J'ai dit, bah, rien dit de quoi? Il m'a dit, bah, en fait, ça sert à rien de faire la comédie, vous êtes déjà exempté, même en cas de conflit armé mondial, on vous appellera pas pour ouvrir des boîtes de conserve dans les cuisines, sur le front, sur les bases arrières. Donc voilà. Donc et j'ai toujours cru, et je pense que c'est pas faux, que d'avoir eu ce petit bouquin du discours de la servitude volontaire, que je trouvais un peu ironique quand même, avec moi à ce moment-là, bah, m'a permis d'échapper à 10 mois d'armée. En plus, étant insoumis, il m'avait affecté dans vraiment le pire du régiment d'infanterie. Enfin voilà. Donc la littérature peut changer votre vie, les gens. Très bien. Eh ben, une belle anecdote, hein, n'est-ce pas, qui donne envie de lire le discours de la servitude volontaire. Au final, tu l'avais le livre, mais tu l'as lu. Oui, oui. Et bien, donc, il fait partie des livres que j'ai lu le plus grand nombre de fois, et il est aussi dans le top des livres que j'ai le plus souvent offert. Bah pareil, tu me l'as jamais offert. Hein. Enfin, pas bah non, monde, mais alors, tu vois, pour la petite anecdote, encore une fois, tiens, je l'ai offert à Joël Labbé. Joël Labbé, qui était à l'époque maire de Saint-Nolf en Bretagne, et qui depuis a été un des premiers sénateurs écolo à avoir été élu il y a quelques années maintenant. Voilà, on embrasse Joël. Non, mais j'ai trouvé ça rigolo. Voilà. Et que t'as quand même réussi à placer deux fois que t'avais croisé des stars. Ouais, bon, n'est-ce pas. Si vous voulez vraiment placer ça pour la dernière. Eh ben super. Qui nous raconte son histoire d'armée par la suite? Mais toi, par exemple. C'est pas que je veux pas, mais j'en ai pas vraiment d'histoire avec l'armée. Non, mais je crois qu'il y a... Non, mais non, ça devient... Si je commence à raconter de l'armée... C'est une petite anecdote, mais du coup, rien à voir avec la lecture. Littéraire. Bah, je sais pas, non, vas-y. Non, moi, j'ai évité l'armée parce que j'étais dans le Vercors en train de passer le BAFA et la gendarmerie est venue me chercher. J'avais pas pensé à prendre un livre. Non, il te l'avait pas offert. Il suffisait peut-être juste de... Voilà, mais en littérature, non, j'ai pas d'anecdote. Si, j'ai lu Annie Arnaud. C'est bien. Et puis Guy Finlay, les clés du lâcher prise. Et quand j'ai lu ça, et ben, du coup, j'ai tout lâché et j'ai arrêté de lire. Voilà, mais je suis en train de dire, je remercie Tiffen, Annie Arnaud, la place aussi, parce que c'est une écriture qui est assez accessible est quand même assez magique aussi. Donc j'invite à ceux qui n'aiment pas forcément lire à lire ce type de... parce que ça nous transporte. Ben, j'ai hâte de lire, parce que figure-toi que Les Années, je crois que c'est mon premier livre d'Annie Arnaud. Ce ne sera pas le dernier, ouais. Et Benjamin va te les offrir dans pas longtemps. J'attends ça de pied ferme. Moi, le seul que j'ai lu d'Annie Arnaud, c'est la Honte. Mais voilà, c'était juste pour dire ça. Voilà. Et t'es fier ? Non, je me sens un petit peu honteux, mais je vais essayer, suite à la chronique de Tiphaine, je pense que ça... peut-être en lire d'autres. J'avoue, à chaque fois que Tiphaine a fait une émission, moi, donc, bon, je l'ai dit une fois, je crois, à l'antenne, je travaille en bibliothèque. Je ne l'ai pas beaucoup dit, même si je l'ai évoqué. Mais à chaque fois, j'ai acheté les livres. Ceux que je lisais et que je disais que c'était nul, je ne les achetais pas pour la bibliothèque. Mais j'ai acheté tous ceux que Tiphaine a chroniqués. Et je me disais, oh, c'est... Bon, moi je sais pourquoi je les ai achetés et je sais pas s'ils vont sortir en vrai, parce que là où je travaille, donc à la Talaudière, c'est pas forcément le public, quoi. Et étonnamment, ils sortent régulièrement. Mmh. Voilà, en donc fait, c'est alors, cool. Voilà. Faut savoir que c'est parce que les gens écoutent les podcasts de Tiphaine, en fait. Bah, par rapport aux émissions que j'ai faites, à chaque année, je me suis dit que le livre que j'allais présenter était vraiment le plus important pour moi de ce moment-là, en fait. C'est vraiment, j'ai vraiment présenté des livres que j'adorais, qui m'avaient vraiment marqué. Mmh. Commencer par King Kong Theory, première émission. Ouais. King Kong Theory, Les Bienveillantes. Les Bienveillantes, c'était une des dernières. Pasolini, les trois livres de Pasolini, Livre d'essai. Les luttes du 20e siècle. Oui, la lutte des classes en France au 21e siècle d'Emmanuel Todd. Voilà, il y a eu Histoire de ta bêtise de Bégodeau. Ouais. Crépuscule de Juan Branco, mais vu le personnage, je suis un peu moins fière. Parce que Bégodeau, non. Bégodeau. C'est compliqué, Bégodeau. Bégodeau, c'est compliqué, mais il peut encore. Enfin, je sais pas, j'ai pas envie de tirer un trait complètement sur Bégodeau, malgré les quelques. Ouais. Enfin, ce qui s'est passé. Et si je peux me permettre une question à Tiphaine, mais le contexte historique et politique là, que tu places. Sur le bouquin d'Annie Arnaud, là, dont tu nous as fait la chronique, il est aussi présent dans le livre ou c'est vraiment... Ah oui, il est très présent, ouais. Elle parle vraiment d'histoire. Ouais. D'accord. Alors moi, je suis prof d'histoire, donc... Après, moi, j'ai périodisé moi-même, j'ai fait les césures entre les parties comme je voulais, mais... Ouais. Et puis ça me parle d'autant plus que là, je suis en train d'enseigner ça au troisième, là. D'accord. C'est vraiment la période que j'enseigne en ce moment. La France de ces années-là, quoi. De la libération D'accord. jusqu'à aujourd'hui, mais c'est dingue, ça tombe vraiment... Voilà. Très bien. Et comment ils reçoivent ça, d'ailleurs, les élèves de 3e ? Tu veux venir en classe voir mes élèves de 3e pour voir la motivation ambiante ? Oh, je suis ça dépend des classes. Non, en vrai, il y en a quelques-uns qui sont intéressés, mais... Ouais. Les autres sont à la bibliothèque. Les autres sont... voilà. Quelle que soit la discipline, c'est un peu compliqué. Bien, retournons à la littérature. Vincent, un petit conseil, tu voulais évoquer le livre que tu étais en train de lire ? Oui, je l'ai emprunté à la bibliothèque. toujours. Pas la mienne. Hein. Parce que je suis un vieux radin, quoi. Je ne veux pas dépenser d'argent. Non, mais il y a vraiment des choses, y a des choses qui sont dites ici voilà, qui n'ont jamais été évoquées nulle part. Non, ce n'est pas vrai en plus. Il y a pas mal de bouquins que j'ai empruntés à la bibliothèque. Et ensuite, je les ai achetés, quoi. Mais c'est le principe de la bibliothèque. C'est fou, ça m'a donné envie, quoi. Et c'est comme Benjamin, il l'a pris d'abord le discours de la servitude. D'abord, il l'a pris à la bibliothèque et après, il l'a offert à tout le monde. Ouais. C'est pour ça. Là, je vais l'offrir à la médiathèque de mon bled. Donc oui, tu voulais nous un petit truc. T'as pas une BD, toi qui dessines un peu, une BD qui t'a donné envie de dessiner? Une BD qui m'a donné envie de dessiner, bah en fait, c'était les... Moi, j'ai été un grand lecteur de BD de super-héros. Eh oui. Donc c'est un peu ça qui m'a donné envie de dessiner. C'est dessiner, de reproduire des super-héros. Donc c'était les éditions Lug, Strange, Nova, Speedé, Titan, je sais pas... Et est-ce que tu es capable encore de les relire aujourd'hui ? Eh ben, j'ai tout mis dans les cartons. L'autre fois, j'en ai lu un comme ça. Et oui, ça, la magie opère. La magie opère encore. C'est fou, hein. Y a... Mais bon, après, je sais pas, ça me met dans une espèce de faille spatio-temporelle. Là. C'est une espèce de moment, je sais pas, je me dis, ah. Avec un décalage, je sais pas, je m'autorise pas. Allez, mais allez. Bon, après, c'est mais il y a encore du plaisir, je sais pas, les couleurs, il y a le je sais pas si j'évoque un auteur comme Jack Kirby, les planches, elles sont toujours aussi magnifiques. Donc voilà. Et maintenant tu comprends ce que tu lis un peu du coup. Et ben j'essaye. Je pense pouvoir faire des interprétations. Mais je sais pas si elles sont vraiment pertinentes. Je sais pas si je peux les évoquer comme ça à l'antenne. Quoi. J'ai peur de me tromper. C'est marrant. Alors pour le coup, tu vois, ces trucs de les vieux comics, j'ai jamais réussi à rentrer dedans. Je sais que tu m'as souvent tenu ce genre de discours que c'était super, etc. Mais les vieux, moi, je vois une planche de Jack Kirby, ça me parle absolument pas. Je vois pas pourquoi c'est bien. Je vois pas pourquoi les gens ont adoré. Et en plus, comme je trouve que les aventures sont un peu niaises. Enfin, puis alors d'autant plus aujourd'hui qu'avec tout ce que c'est devenu, bah, je trouve que c'est vraiment. Alors je vois l'aspect nostalgique. Je comprends quand tu dis les couleurs, mais c'est vrai que moi, c'est un truc qui ne me touche pas du tout. Bah, ça dépend. Il y a bien la plus des trois quarts où c'est difficile à assumer. Soyons oui. clairs. Non, mais c'était... Mais t'as... En fait, moi, la passion des comics, elle est venue. Mon père détestait ça. Mais vraiment, c'était interdit. Et mon frère en avait mis de côté en cachette. Il les avait achetés avec son argent de poche et discrètement il me les a filés. Et c'est de là que ça a commencé en fait. D'accord. Une espèce d'interdit quoi. Voilà, une espèce d'interdit. C'était la BD qu'on ne devait pas lire. On avait le droit. Par contre, il y avait la bibliothèque de Des Spirou, des Astérix, Lucky Luke. Enfin, tout ça c'est. Ça c'était de la bonne. Ça c'est la bonne BD, la bonne BD franco-belge. D'accord. Mais pas la BD américaine et tout, là. Ouais, ok. Mais revenons juste sur un... Il y a une histoire qui est excellente, hein, c'est le surfeur d'argent, en fait. Avec Galactus, John Buscema, Stan Lee. Là, on a des concepts quand même philosophiques qui sont assez sur le sens de... Enfin, le sens de la vie, enfin, le surfeur d'argent, il se pose vraiment des questions existentielles. Hein. Ah oui. Dans ce et ça a été repris d'ailleurs plus tard par Moebius. Oui. Il y a une adaptation. Et Galactus, le dévoreur de planètes. Quoi. C'est ça, Galactus, pour ceux qui ne connaissent pas. Mais je crois que c'est un prochain méchant dans les films. Je crois qu'il est censé apparaître. C'est possible, ouais. Ah ouais. Je pense que Hollywood va adapter ou je ne sais pas quoi. Ah, voilà. Après, il y avait super comme conseil de lecture. Tu disais Vincent les Strange Zero là, tu sais où ils avaient des affiches de personnages. Il y avait des histoires, mais il y avait aussi des affiches. Et des posters. Des petits posters, mais ils expliquaient un peu leur pouvoir, d'où ça venait. Tout oui, ça, bah ça c'est Strange Spécial Origine. Spécial Origine. Il y avait le moissonneur. C'est souvent les. Le moissonneur. Parce qu'ils étaient. Il y a le moissonneur. Il y avait The Reaper, tu vois le truc et le mec. Et donc ils expliquaient souvent ceux qui n'avaient pas de pouvoir, ils étaient. Déjà bien, comment dire, ils avaient une force physique au-delà de la normale, forcément. Ils expliquaient comment ils étaient devenus des super-héros et tout ça. Ouais, mais... certainement, ceux qui nous écoutent, ils se rappellent des Strange Spécial Origins. Pour le coup, ouais, bah c'est un peu pour les initiés, là. Hein. Oui, c'est pour les initiés. Et en fait, c'est marrant parce que je me posais la question tout à l'heure, le Spinoza en cul et gueule de Jean-Bernard Puy, je suis pas sûr qu'ils soient encore disponibles. Il a été réédité. Je sais qu'il a été réédité pas mal de fois. Ouais, mais aujourd'hui Jean-Bernard Puy, il n'existe plus. Il écrit plus rien et on n'en parle plus. Il fait pas partie des auteurs de polar du moment. Donc je me demande. Tu vois, vraiment, me demande. Les livres. Il est vieux, hein. Oui, aussi, mais bon. Non, mais les auteurs de polar en ce moment, c'est Sébastien Rutès. Hein. Voilà. Qui connaît personnellement Jean-Bernard Puy d'ailleurs? Oui. Certainement. Et je suis sûr que tu l'as croisé il n'y a pas longtemps, Sébastien Rutès. Tout à fait. D'accord. mais Bon, et les vieux Strange, pour le coup, je ne sais pas s'ils ont été réédités pendant un moment, les tout premiers trucs dont tu parles, Vincent. Mais je ne suis pas sûr qu'on puisse les retrouver aujourd'hui. Voilà. Il y a eu plein de rééditions. Ouais. Oui, mais c'est compliqué. Panini, ils font n'importe quoi. Qui ne font pas du tout, en fait, on ne retrouve pas. Il y a quelque chose, on parlait de livres-objets. Mais il y a quelque chose, c'est le toucher avec le papier. Ces BD-là, en fait, c'est des BD qu'on a achetés dans les bureaux de tabac. Les bureaux de presse. Et j'en ai parlé avec plein de personnes. Et c'est vrai que le papier, qui n'était pas de super qualité, c'est ça qui donnait aussi le charme aussi de la lecture. Alors que les éditions Panini, elles ont réédité ça sur papier glacé. Du coup, en fait, toutes les couleurs, elles sont... c'est juste pas génial, quoi. Okay. Vaut mieux... Je suis peut-être un puriste. Peut-être. D'accord. Bon, on va finir ce tour de table. Martin La dernière édition, je crois, en date de Spinoza en cul et gueule, ça doit être 2020. Ils ont réédité en fait la trilogie. Ah, d'accord. Parce que c'était le premier tome d'une trilogie. Il y avait donc Spinoza en cul et gueule. Le deuxième, ça devait être Aztec. Et le troisième, avec une poignée de sable, un truc comme ça. D'accord. Ah oui, Aztec. Très bien. Martin. Oui, alors j'espère qu'on peut poursuivre ce moment BD, parce que j'ai pas grand chose d'autre à raconter que des livres où il y a des images avec des couleurs, et je t'entendais parler de rééditions un peu loupées sur des vieilleries qui pouvaient nous évoquer des choses. Justement, alors moi en ce moment c'est Rahan, il y a toute une intégrale de Rahan. Alors parfois l'impression, techniquement je connais pas les termes adaptés, mais c'est vrai que ça bave un peu sur le nouveau papier glacé propre, là où avant en effet le papier était un peu buvard, mais les histoires demeurent et l'esprit demeure. Alors Rahan, c'est beau à redécouvrir et à faire lire, en fait, hein. Le fils déjà, le visage farouche, quoi. Exactement. Avec son collier, avec le petit collier, je sais plus dans quel numéro de PIF on pouvait avoir le collier de Rahan, mais je pense que ça On dit vraiment notre âge quand même là. Oui, on dit notre âge, on peut aussi ajouter que la transmission n'a jamais, ne s'arrête jamais, quel que soit l'âge. Donc la transmission radiophonique, c'est ce soir, mais la transmission des idées de Rahan, elles sont importantes. C'est l'émancipation, c'est je vais éviter les croyances stupides. Tous ceux qui marchent debout méritent le respect, quel que soit leur comportement. Alors on parle même pas de religion à cette époque, mais leurs croyances. Et ça, c'est important de relire Rahan maintenant. Je suis pas sûr que ce soit la même émancipation que Annie Arnaud. Du coup, c'est peut-être pas exactement le même sens, mais je suis pas fermé. En tout cas, Rahan est un des premiers scientifiques. Juste pour le coup, Rahan à la bibliothèque, ça sort encore pas mal. Voilà, parce qu'on a quelques Rahan. Mais Annie Arnaud aussi. Hein, avec Crao. Oui, Vincent, tu voulais... Non, mais on sent notre moyenne d'âge, quoi. Oui, pas... et puis qu'on lit plus des BD qu'autre chose. Ouais, oui. Qu'il y en a qui, les livres qu'ils ont le plus lus, c'est des livres de 20 pages qui coûtent 1€. Mais bon, mais il n'y a pas de jugement, hein. Non, pas de souci. Non, j'ai lu Aurélien d'Aragon, j'ai mis 6 ans pour le lire. Ah mais c'est déjà bien, moi. Attends, il est dans la liste. Moi, hein. Je viens de lire 100 ans de solitude. Hein. Ah, très bien, moi, bon, c'est fait. J'ai vraiment eu du mal à le lire. C'est vrai. Et je suis pas, j'ai pas compris pourquoi ce livre avait eu un succès aussi incroyable. Il y a des choses qui m'échappent, il y a des très beaux passages. Mais la lecture, elle n'est pas évidente. Hein. Surtout que les personnages, en fait, portent souvent le même prénom. En fait. C'est une tradition. Il n'y en a peut-être qu'un. Et est-ce que ça ne dépend pas un peu de la traduction? Parce que des fois, comme c'est un bouquin écrit en espagnol, apparemment, des fois, la qualité de la traduction, ça peut jouer beaucoup sur la compréhension de l'œuvre. Je l'ai lu. Style. Est-ce qu'on n'appellerait pas Sébastien Rutès pour la traduction? Wow. pour le coup, je l'ai lu. Moi, je sais que j'ai adoré 100 ans de solitude. Je suis incapable de raconter 100 ans de solitude. J'aurais bien voulu une fois en parler, même si je me sens pas vraiment à la légitimité pour le faire à la radio et tout, parce que c'est soi-disant un chef-d'œuvre et je me sens pas du tout les épaules de parler d'un chef-d'œuvre, sachant que la semaine d'avant, j'ai juste parlé d'un livre sur le black metal. Mais moi, j'avais adoré ce livre. Mais souvent, j'entends des gens qui, comme toi, ont eu énormément de mal à rentrer dedans. Et pour moi, ça n'a pas du tout été un problème. Bon, voilà quoi. Donc, un autre, juste une expérience de lecture comme ça. De toute façon, moi, c'était totalement subjectif. Hein. Pas de souci. Après, comment tu fais pour rentrer dans le livre ? Tu l'ouvres pas au début ? C'est pas des éditions de poche. D'accord. C'est ça le secret. Voilà. Bon, je crois qu'on a fait le tour. T'as pas demandé à Tiffaine ? J'ai une situation un peu particulière, c'est-à-dire que j'ai préparé un concours de la fonction publique pendant des mois, et du coup les livres que j'ai lus là récemment, à part Annie Arnaud, c'était plutôt des manuels de concours, donc je sais pas si vous voulez que je vous parle de ça. C'est des manuels de concours. C'est en BD. C'est pas passionnant. Après, mon livre préféré en dehors de ça, en fait c'est tous ceux que j'ai présentés ici. Non mais c'est ça au final. Quoi je pensais d'autre ? Les bouquins d'histoire, enfin, ouais. Moi je peux évoquer des livres que j'ai. Enfin, si attends, je t'ai pas coupé. Je pensais à un truc. Non, Sophie Divry. Vous connaissez Sophie Divry ? Sophie Divry. Divry. Non, Divry. En un seul mot. C'est une auteure du coin. Enfin, du coin. Elle habite entre Lyon et Saint-Étienne, quoi. Elle a écrit des merveilles. Hein. Alors, elle a un de ses bouquins, ça s'appelle « Cinq mains coupées ». Elle est allée interviewer les gilets jaunes qui ont eu la main arrachée lors des manifestations. Et elle a un peu mélangé leurs propos pour en faire un livre, mais sans nommer les personnes, en fait. Elle a mélangé vraiment les paroles des cinq gilets jaunes concernés, et ça donne un bouquin, mais... Oui, c'est vraiment poignant, c'est incroyable. Pour le coup, ils en ont fait une adaptation théâtre qui est passée au Verso cette année. C'est ça. Et t'as pu J'ai pu la voir, c'est génial. Bien. Ouais. Et qu'est-ce qu'elle a fait d'autre ? Elle a fait Trois fois la fin du monde, qui est un bouquin de science-fiction qui est... C'est pareil, on n'en sort pas indemne de ça. C'est une lecture vraiment qui m'a mise par terre. Qu'est-ce qu'elle a fait d'autre ? Elle a fait d'autres des livres sur la classe moyenne, la condition pavillonnaire, c'est super bien aussi. Et elle a fait un bouquin qui est sur l'amour, mais que j'ai pas encore lu, mais qui a l'air d'être un gros succès, apparemment. Mais je sais plus comment il s'appelle. Elle monte. Elle est de plus en plus connue et tout, et elle gagne à être connue de ce que j'en comprends. D'accord, mais ça donne envie. C'est des livres accessibles. Ils sont dans toutes les bibliothèques. Toutes les bibliothèques. L'étagère. Dans les romans et dans toutes les bibliothèques, normalement. Et accessible à la lecture, oui. Juste, moi, je ne veux pas faire la liste de tous les livres dont je n'ai pas parlé, mais je sais qu'il y en a quand même pas mal où je ne me suis pas senti d'en parler parce que je les sentais trop énormes et... J'aurais juste voulu dire... Il y avait plus de 20 pages, c'est ça ? Non, il coûtait plus de 10 francs. Et c'est des livres que j'ai jamais offerts à personne, ok ? Je me disais, mais vu comment se passent les émissions, j'allais pas rendre hommage j'allais pas être à la hauteur de ce que ces livres me plaisaient. Donc il y a Le Conte démoniaque d'Aristophane, c'est une grosse BD qui n'est plus éditée là pour le coup. C'est c'est impossible à expliquer. En gros, c'est des âmes qui arrivent en enfer et qui vont. C'est une description de l'enfer. C'est une bataille de démons. Mais c'est une BD qui m'a retourné le cerveau, que j'ose pas trop relire parce que justement, elle est tellement sombre. Elle est tellement. J'arrive pas à dire plus que ça. Et puis en plus, elle est difficile à trouver pour le coup. Avec Conte d'Aristophane, il y a toutes les BD de Fabrice Nau, journal. Il en a fait un dernièrement. Pareil, ça, j'ose pas en parler parce que je me sens pas comme il faut, mais il faut relire. Tu l'as mentionné plusieurs fois dans les émissions, Fabrice. Oui, à chaque fois, même. Je crois que j'ai dit que j'allais en parler et puis en fait, j'osais pas. Voilà. Et après, dans les livres, c'est rigolo. Si moi, je crois qu'il n'y a qu'un seul livre de ma vie que j'ai lu deux fois, c'est Le Seigneur des Anneaux. Donc, c'est pas non plus de la grande littérature, mais j'aime toujours autant. Et puis voilà, quoi. Vraiment, j'ai jamais lu un livre de foi à part Le Seigneur des Anneaux. Donc, on va peut-être rester là-dessus. Vous auriez quelque chose d'autre à rajouter ? Non ? Bah si, moi, j'aimerais savoir ce qui va se passer après qui ou quoi. Ah ! Dans la vie de qui ou quoi. Ce sera quoi ou qui ? Quoi ou qui ? Ah, ce serait rigolo. Je peux essayer, je peux raconter pourquoi ça s'appelle qui ou quoi ? Ben oui, puis tu nous raconteras qu'est-ce qui se passe après quoi ou qui. Est-ce que c'est vraiment nécessaire ? Bah quoi, alors je dis quoi, je raconte quoi? Mais qui? Ou quoi? Ou quoi? D'accord. En fait, l'émission, au tout départ, il y avait juste une envie de faire de la radio à Radio Audio. Et, mais ça, je crois que je l'ai déjà expliqué, mais à une nuit de la radio. Bon, enfin bon. Je suis pas sûr que les auditeurs connaissent toutes les émissions par cœur, Axel. Non, mais puis en plus, c'était une émission spéciale de Radio Audio. Tous les ans, Radio Audio faisait une nuit de la radio où tout le monde vient présenter son émission. Etc. Et puis on explique d'où vient le nom de l'émission, qu'est-ce que c'est le concept et tout ça. Donc moi, il y avait juste une idée de faire de la radio. Et j'avais regardé la grille de la radio et il n'y avait que des émissions de musique. Et je me suis dit que j'allais pas rajouter une émission de musique là où il parlait déjà que de musique. Et en plus, il y a des bandes à côté. Donc que de la musique spécialisée et des bandes. Et je me suis dit, oh bah tiens, je vais parler de livres, vu que je suis plus ou moins dans le milieu, etc. Et maintenant, tu sais pourquoi, en fait, il n'y avait pas d'émission littéraire. Non, mais j'ai toujours un peu couru derrière une ambition que j'ai jamais réussi à concrétiser vraiment. Et je n'avais pas de nom d'émission. Et j'ai demandé à mon fils, choisis un livre à la maison. Je ne lui avais pas dit pourquoi. Je lui ai dit, bah, tiens, prends un livre dans la bibliothèque, s'il te plaît, et apporte-le-moi. Et en fait, il m'a amené qui ou quoi. Enfin, le livre qu'il allait m'amener serait le titre de l'émission. Et il est venu avec un livre de Martine Perrin, qui est un livre pour enfants, qui s'appelle Qui ou quoi. Voilà. Donc c'est pour ça que ça s'appelle Qui ou quoi. Il aurait très bien pu venir avec Le Déclic. T'es pas trop foulé quand même. Ou Spinoza enculé gueule. Non, je l'ai pas, Spinoza enculé gueule. Est-ce que c'est un titre qui revient, Spinoza enculé gueule ? Mais j'ai envie de le dire parce que du coup, il a dit beaucoup. Ouais. C'était. Alors il y a toute une histoire, mais il y avait. Il y a eu tout un truc autour de ça. Et je connais quelqu'un qui avait dû faire un faux bandeau pour le livre. Dans un exercice dans ses études, pour ne pas la citer, c'est clair. Voilà. Et elle avait mis sur le bandeau, c'était « L'éthique reprend ses droits ». Voilà. Et donc pour moi, c'est Spinoza au cul et gueule, « L'éthique reprend ses droits ». Voilà. C'est tout. Ça laisse un peu un moment d'espoir. Moi, il n'y a pas longtemps, j'ai lu ou relu, j'ai... de l'Imax Maximus, l'Imax au carré, qui m'a aussi pénétré et permis d'ouvrir. Alors, et le poche aussi. Alors, j'alternais entre l'Imax au carré. Alors, il y a du. Voilà, pour ceux qui ne connaissent ils pas. Ils ont été invités ici. Voilà, ils m'ont torpillé l'émission. Ils avaient tous prévu. Vincent, tu peux témoigner parce que tu y étais. Oui. En fait, ils avaient prévu de me faire des blagues. Donc. J'ai posé une première question, ils ont tous répondu en même temps. Moi, c'était ma troisième émission, donc tous les micros, ils ont saturé. Je ne savais plus quoi faire. J'étais là, ils m'ont fait que des trucs comme ça, où ils répondaient à d'autres questions par rapport à ce que je posais. Il y a eu Juan qui parlait en espagnol pendant qu'un autre traduisait. Enfin, c'était vraiment n'importe quoi. Mais bon, c'était quand même assez rigolo. Malgré tout, même si au et final coup, ils n'ont pas répondu aux questions. Quoi. Du coup, tu lances le générique de fin pour pas répondre à la question de qu'est-ce qu'il y a après qui ou quoi, c'est ça ? Eh ben non, qu'est-ce qu'il y a après ? Ben en fait, je sais pas trop. Si il y aura un truc, mais qui demanderait peut-être un peu moins de préparation, j'aimerais bien. Bon, ça te fait rigoler, mais bon. Oui, parce que moins que moins, c'est quoi ? Voilà, c'est ça. C'est à peu près ça. Parce que la préparation, la plupart du temps, c'est un message sur WhatsApp la veille pour dire « Tu sais qu'il y a une mission demain ?» Bref. Et des fois, c'est moi qui poste le message. Et tout ça pour dire que... peut-être un truc enregistré ou peut-être un truc de musique, je sais pas. Enfin, voilà. Tu rentres dans le rang, quoi. Non, moi, j'aimerais bien... Le projet ultime, ce serait... Il y a un livre qui s'appelle Please Kill Me, qui est un livre de. J'ai oublié le nom de l'auteur. Lex McNeil. Lex McNeil, mais un autre aussi. Qui documente la naissance du punk à New York, fin 70. Mais ça commence un petit peu plus tôt. Enfin, vraiment, ça commence avec David Bowie, Iggy Pop, etc. Et en fait, c'est un recueil. C'est des bouts d'interviews qui sont. qui sont agencées de façon à raconter l'histoire. Mais c'est que des personnes qui parlent, comme un long dialogue, ils appellent ça une histoire orale aujourd'hui, parce que ça essaimé dans le milieu des livres de musique. Et donc c'est une histoire orale du punk, c'est-à-dire que t'as Iggy Pop qui raconte un truc, c'est écrit Iggy Pop, et puis lui il parle, et toi tu dis ça comme un gros numéro de rock'n'folk, quoi. Et en vrai, j'aimerais bien faire juste une émission enregistrée de lecture de ça, avec les extraits musicaux qui correspondent. Et ça ferait, là pour le coup, ça ferait un truc un petit peu long, un peu préparé, il faudrait enregistrer à l'avance, trouver des gens, parce que dans mon esprit, ce serait un peu ambitieux, où il y a une personne qui fait hip-hop, c'est toujours la même, quoi. Mais c'est vraiment... Et t'as pensé à demander à hip-hop ? Et bah, il était parce pas... que je l'ai croisé une fois. Et tu lui as offert un livre. Voilà, donc ça, ce serait dans l'absolu, mais là, c'est pas gagné... Voilà. Pourquoi une histoire orale musicale alors un peu? Mais j'aimerais bien ce truc, puisqu'il met en plus un morceau. Enfin, tout est. T'as le titre, tu passes le morceau, après tu lis les trucs. C'est vraiment. Ils en ont fait aussi des pièces de théâtre, de ce livre. C'est assez facile. Puis si ça fonctionne, en plus derrière, on a plein d'autres des livres intéressants qui ont la même forme et tu peux le faire. Donc c'est cool quoi. Mais bon, voilà, c'est pas encore fait du tout. Voilà. Ça te fait envie en tout cas, l'histoire du punk. Iggy, si tu nous écoutes. Eh ben, Iggy Pop, il y en a plein d'autres, ils sont tous dedans. Ouais. Et après, ils ont fait un autre livre aussi, Lex McNeil et je ne sais plus l'autre personne, qui documente la naissance du cinéma porno aux États-Unis. Et celui-là, en fin d'émission. Non, mais pour le coup, il est vraiment, vraiment très rigolo. Il y a des trucs de fou, c'est une histoire de fou. Et voilà, des trucs comme ça, quoi. Voilà. Bon, eh ben, merci d'être passé. Merci Benjamin. Donc c'est bon, tu es libéré de tous ces livres que tu as lus pendant toutes ces semaines et tout ça. Et dire qu'il y en a quand même que j'ai lu exprès pour l'émission dont j'ai jamais parlé, quoi. Par contre, tu vas passer à la préfecture pour te régulariser au niveau de l'armée, là. Oui, parce non, que... Ils veulent pas de moi, de toute façon. Voilà. Et donc, merci Vincent d'être passé et d'avoir fait une année, je crois. Hein, quand même. De rien, mais moi c'était un grand plaisir. Hein. Et d'ailleurs, j'avais encore une chronique, mais bon, après, bon, bah, voilà, écoute, c'est ça. Hein. Une prochaine fois. Parler, hein. C'était un livre de Dave Godin, quoi. Je sais pas qui c'est. Bah c'est juste, ça, justement, voilà, c'est pour ça que qui ou quoi, il faudrait que ça continue. Non, mais dis ça, c'est le livre mais ça marche pas. C'est le livre qui est à côté de lui. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais non, ça c'est Simon Anselman, c'est différent. Happy, c'est marqué quoi? Mais t'en parles quand? Bah, je voulais en parler, mais finalement ça a dérivé sur les lectures un peu de temps. Quand j'étais jeune, quoi. Mais cet après-midi j'ai pris ça à la bibliothèque. Simon Anselman, Happy Fucking Birthday. Ok. Pas mal comme nom. Édition MISMA. Très bien. Bah, on le trouve plus là en ce moment là. Bref. Très sympa, hein, avec des dessins un peu comme dans Pomme d'Api, mais c'est très trash, quoi. Mais il y a pas mal de. Ça vous emmène dans un univers de contes de fées, quoi. On va dire. Voilà. J'en dirais pas plus. C'est interdit au moins de 18 ans. Et bon. C'est interdit au moins de 18 ans. Je sais pas si on peut en parler, tu sais, c'est comme ton histoire avec Fabrice Snow. Alors je sais pas si j'ose en parler. C'est trop bien, des fois, c'est difficile de parler des trucs. Me retenir. On a peur de pas être à la hauteur. Ça, le papier. Merci Tiffaine, vraiment. Merci à toi, c'était super. Et merci Radio Alto d'être passé, quand même. Oui, 94.8. Voilà. Et invité par Radio Dio 89.5. C'est ça. Et 89.5. Ouais. Qui sait, peut-être des collabs Radio Dio Alto ou Radio Alto Dio, on verra bien. Ah, on dit partenariat parce que collab. Ouais, c'est trop. Ça fait trop vieux. Ça rappelle des moments un peu tordus de l'histoire. Ok. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Je sais pas si je laisse le générique de fin. On a passé un bon moment. Hein. Attendez, parlez un peu, faut que je cale le générique de fin. Tu voudrais pas nous faire un vrai blanc à la place? Attends, je lis un texte ou pas? Est-ce qu'il faut lire un texte? Un dernier vrai blanc de radio. Alors, on fait un blanc et après je lance le générique. C'est quoi un blanc? Bah, c'est... C'est ça. c'est un silence. Non. Là, il est un peu long le blanc. On peut respirer quand même. Spock. Hey. Mais vous me reconnaissez. Envie d'adhérer à l'assaut. Tes oreilles sympathisantes sont avides de soutenir notre projet. Voilà, radiodio.org. Venez. C'est toujours blanc là. Non, je crois qu'il nous a. Là, on parle que entre nous là, non. Ouais. Libre. Je crois qu'il y a des gens qui parlent entre nous. On n'a jamais fait que ça au final. Non, mais libre. Point sauvage. Point impertinente. Point. Je crois que tout est dit. Hein. Et venez. Sinon, on peut parler génocide si vous voulez. Enfin, je sais pas. Ah, je sais pas. On est. Une prochaine émission, Benjamin. Bon allez, c'est bon, je l'ai retrouvé. C'est vrai. Blanc. Ouais. Allez. À une prochaine. Bonne nuit. Arc-en-ciel, bonne nuit.